sous le soleil. Je rêvais dans mon sommeil qu'il faisait froid. En faisant griller la peau, j'espérais devenir beau. C'était idiot, tu vois. Je voulais seulement, comme le font tant de gens, rester là juste pour tuer le temps. Voulant jouer les cigales, mais j'ai eu si mal au fond de moi que j'ai compris comme les fourmis que la vie ça se construit à coups d'habits quelquefois. Je voulais seulement, comme le font tant de gens, reste là, je la fous, tu es le temps. C'est un peu ça la folie, une hausse du goût de la vie, une envie de vivre et à tout prix, sans compromis, sans mesure à tenir. Merci.